Bonjour Anaïs Kier. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, Star Wars et des mythes de tout type. Aujourd'hui, j'emboîte le pas de la rubrique avide de recherche de la plateforme magique Mondes Sociaux qui s'empare des travaux de l'archéologue Vincent Chaulier sur les inspirations mythologiques de la première trilogie Star Wars. À la sortie de la guerre des étoiles en 1977, pas facile de déceler derrière cette trame de science-fiction en passe de devenir un classique du genre, un autre classique bien plus académique, Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell paru en 1949. George Lucas y puise son modèle narratif en s'inspirant de toutes les littératures mythologiques parmi lesquelles Œdipe, l'Odyssée et plus médiévale, la quête du Graal. Des mythes qui confrontent tous un héros en quête d'initiation à une série d'épreuves. Jusqu'ici, rien de bien étonnant, c'est l'hybridation des multiples sources d'inspiration qui fait l'identité singulière de sa signature. Un labyrinthe de références souvent rendu méconnaissable après leur passage dans la matrice de Lucas pour créer un scénario universel au possible. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie. Je ne serai jamais votre allié. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Si les effets spéciaux épatants en 1977 de la guerre des étoiles ont pris quelques rides, ces inspirations médiévales recoupent la passion très actuelle pour la légende du roi Arthur de Chrétien de Troyes. Luke Skywalker est Perceval dans ses premières aventures. Il devient Arthur une fois muni de son épée Excalibur fluo, bientôt flanqué de Han Solo, le Lancelot de soap opéra, en mission pour délivrer la princesse, non pas Guenièvre, mais Leia, qui a de faux airs d'Hélène de Troie, flanqué d'un costume aux allures de toge romaine, avant de finir en toute petite tenue, une fois réduite par Jabba the Hutt en esclavage, un déshabillé inspiré des pin-up en Cléopâtre de papier glacé des années 50, repéré dans les pages de Life Magazine. We have powerful friends. You're going to regret this. Vous l'aurez compris, les emprunts à tous les registres mythologiques pullulent dans Star Wars et le jeu de repérage se fait ardu. Un défi relevé avec dextérité par Vincent Chaulier qui balaye un spectre mythologique sur près de 5000 ans de récits populaires à succès, les mêmes recettes de l'Olympe à nos multiplexes. Star Wars invente une mythologie populaire et contemporaine pour soigner le manque de héros de la fin des années 70 selon les vœux de George Lucas qui a depuis vendu sa célèbre franchise Star Wars dont les préquels, les midquels et les séquels ne cessent de sortir des usines sans repos d'Hollywood en reconduisant sans relâche le parcours initiatique de jeunes héros remplacés aussitôt leur date de péremption atteinte. La vidéo Star Wars et l'Antiquité de Léa Bello est accessible sur la plateforme Mondes Sociaux et l'article de Vincent Chaulier sur Open Edition. Merci Anaïs. On retrouve tous ces liens à lire, à voir, ainsi que le journal de l'Histoire à écouter, lui ou à réécouter sur notre site franceculture.fr.